Section 44. Deuxième partie, chapitre 13. Charlotte sortit bouleversée de chez le docteur Louville. Elle était venue lui demander l'espérance, et c'était l'épouvante qu'elle emportait. Une maison de santé. En descendant l'escalier, elle se répétait machinalement ce mot, et devant elle gesticulaient des fous empaquetés dans des camisoles de force. Enfermer Emmanuel avec de pareils gens était impossible. Comment une pareille idée était-elle venue à ce médecin s'il était l'homme que Georges avait dit? Georges avait-il été trompé? Avait-il voulu la tromper? Mais alors? Devant cette interrogation, elle s'était rejetée, effrayée, en arrière, honteuse d'avoir pu accueillir un instant un pareil soupçon. La peur et le désespoir ne devaient pas la rendre injuste. Georges, assurément, l'avait adressée au médecin qu'il savait le plus capable de l'éclairer. Et si ce médecin avait parlé d'une maison de santé, c'est que son système, sans doute, était que les hallucinés ne peuvent être soignés que dans l'isolement. Elle en verrait un autre. Ou plutôt, elle n'en verrait aucun. Ce n'était pas aux autres qu'elle devait demander la guérison de son mari. C'était à elle-même, à sa tendresse, à son amour. Si elle avait été moins réservée dans l'expression de cette tendresse, Emmanuel ne se serait pas inquiété. Il n'aurait pensé ni à Georges ni à personne, et il eût continué d'être heureux, comme il l'avait été pendant 4 années. Puisqu'elle savait d'où venait le mal, le remède n'était difficile ni à trouver ni à appliquer. Lorsqu'il se verrait entouré de prévenances, lorsqu'il aurait la preuve sans cesse répétée qu'elle ne vivait que pour lui, il cesserait de s'inquiéter, et avec le repos, la confiance reprendrait place dans son esprit. La maladie qui pouvait le menacer, mais qui certainement n'était point encore déclarée, serait encore conjurée. Les gens heureux ne deviennent pas fous. C'était à elle qu'il appartenait de rendre Emmanuel assez heureux pour qu'il ne pût penser qu'à son bonheur. La tâche méritait d'être courageusement entreprise, ainsi elle payerait à Emmanuel tout ce qu'il avait fait pour elle depuis leur mariage. Ce qui nous accable dans la vie et nous rend souvent lâches, c'est l'incertitude. Lorsque Charlotte vit clairement ce but devant elle, elle reprit courage. C'était une lutte à soutenir, elle la soutiendrait. Elle se sentait assez de tendresse et assez de dévouement dans le cœur pour la mener à bonne fin. Cependant, elle avait été trop profondément ébranlée pour reprendre son calme aussitôt, et lorsqu'Emmanuel rentra, il la trouva encore tout émue. Sous le regard interrogateur qu'il fixa sur elle, avec cette curiosité anxieuse qu'il montrait maintenant chaque fois qu'il avait été absent, elle se troubla. « Tu détournes les yeux ? » dit-il. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?»« Parce que je te trouve étrange. Je cherche à deviner ce qui s'est passé en mon absence. »« Toujours, » dit-elle, tristement. « Oh, en toi seulement, ne me fais pas l'injure de croire que j'ai d'autres soucis en ce moment que de savoir pourquoi, à mon retour, je te trouve le visage pâle, les paupières abaissées. Les coins de la bouche tirés. Quand je te vois ainsi et que je te demande si tu es souffrante, tu me réponds toujours négativement. Voilà pourquoi je cherche à deviner ce qui a pu t'attrister. Pour cela, et non pour autre chose, sois-en bien certaine. Mais si mon regard te gêne, je ne te regarderai plus ainsi. Ce qui me peine, dit-elle d'une voix douce, c'est l'expression d'inquiétude que je vois dans ce regard. Je voudrais, quand tu es inquiet, que tu le dises franchement. Pourquoi, en rentrant, ne m'as-tu pas posé directement la question qui pesait sur ton esprit? Voilà, mon ami, ce que je te demande pour l'avenir. C'est un engagement réciproque que je te propose. Si tu as quelquefois l'occasion de m'observer avec curiosité, moi aussi j'ai souvent à m'occuper de ton humeur noire. Oh, moi, tu sais par malheur ce qui me rend sombre. Eh bien, ne sois plus sombre sans venir à moi aussitôt. D'un mot, je pourrais peut-être chasser cette tristesse. Depuis que nous sommes à Paris, nous vivons beaucoup trop séparés. Qui l'a voulu? Qui s'est refusé à m'accompagner bien souvent? J'ai eu tort, j'en conviens, et je te promets que désormais il en sera autrement. Il me déplaît de rester seule. Maintenant, je sortirai toujours avec toi, si tu veux. Si je veux. C'est donc entendu. Plus de séparation, plus de solitude, ni pour toi ni pour moi. Partant, plus d'inquiétude. Si nous recommencions notre vie d'autrefois, si nous sommes toujours ensemble, nous n'aurons ni l'un ni l'autre à prendre souci de ce que nous aurons fait ou pensé séparément. Elle eût voulu préciser davantage son projet, mais de peur d'inquiéter Emmanuel en lui montrant une sollicitude trop visible, elle s'en tint à cette demande d'intimité plus étroite. Leur installation dans leur hôtel de la rue de Boulogne leur permit d'ailleurs de prendre des habitudes nouvelles sans qu'il y eût un contraste trop manifeste avec le passé. N'était-ce pas une vie nouvelle qui commençait pour eux? Si tout bas et en cachette, Charlotte put pleurer des larmes amères en pensant aux terribles circonstances dans lesquelles cette installation se faisait, tout haut et en présence d'Emmanuel, elle eut mille bonnes raisons pour montrer une joie qui devait entraîner celui-ci. Et de fait, elle l'entraîna. Pendant plusieurs jours, elle eut la satisfaction de ne plus lui voir son air sombre. Son humeur redevint ce qu'elle avait été pendant leurs années de voyage. Ah, comme elle avait bien fait de ne pas suivre l'avis du docteur Louville! Dans son triomphe, cependant, se glissa une triste pensée, et ce ne fut pas sans un douloureux sentiment de remords qu'elle fit un retour dans le passé. Si au Charmeau, si pendant leur première semaine de séjour à Paris, elle avait été pour Emmanuel ce qu'elle était maintenant, se serait-il abandonnée à la jalousie et par suite à l'inquiétude? La maladie affreuse dont il était menacé maintenant n'eût-elle pas été étouffée dans son germe? À tout prix, il fallait qu'elle le maintînt dans la voie où elle avait eu le bonheur de le faire entrer. D'elle-même, de sa tendresse, de son dévouement, elle était sûre. Mais ce n'était pas assez encore, il fallait plus. Il fallait qu'elle trouvât un moyen d'occuper son esprit et son imagination pour l'heure où les plaisirs de leur nouvelle vie viendraient à s'affaiblir. Parmi les personnages avec lesquels ils avaient établi ou renoué des relations, se trouvait un vieil ami de M. de la Hérodière, nommé M. Portail. C'était un professeur au Jardin des Plantes qui s'était fait un nom distingué dans la science par ses travaux sur l'anatomie comparée et la physiologie. Il avait reporté sur la fille un peu de l'amitié très vive qu'il avait eue autrefois pour le père, et en même temps, il témoignait à Emmanuel beaucoup de sympathie. Charlotte résolut de s'adresser à lui, et sans avouer toute la vérité, de lui demander de la guider. « Ainsi, dit M. Portail, après l'avoir écouté, ce que vous voudriez, ce serait une occupation intellectuelle pour votre mari. » Je voudrais un travail qui occupa fortement son esprit et qui lui demanda une partie du temps dont il ne sait trop que faire. Je comprends ce que vous voulez et je partage votre sentiment. Vous avez peur que votre mari s'ennuie. C'est là trop souvent le sort des gens riches. L'oisiveté de l'esprit est chez eux la cause de grands malheurs et c'est par là que la fortune est mauvaise. Moi qui n'ai jamais eu que 5 000 francs à dépenser par an, je n'ai jamais connu l'ennui. Vous êtes un savant. Ma chère petite, on ne naît pas savant, on le devient. C'est affaire de travail et de volonté. Votre mari est intelligent, il sait beaucoup, il a beaucoup vu, il peut très bien devenir ce que vous appelez un savant. Que vous dit l'anatomie? Bien entendu, Charlotte avait la plus haute estime pour l'anatomie. Cependant, elle osa déclarer qu'elle ne lui disait pas tout ce que M. Portail en pensait. D'ailleurs, ce qu'elle aurait voulu, autant qu'elle pouvait expliquer ce qu'elle désirait vaguement, bien plus qu'elle ne le voulait, serait été un travail dans lequel elle aurait pu s'associer à son mari. M. Portail eut un sourire qui signifiait clairement que pour lui, le travail d'une femme était chose bien légère, mais il ne voulut pas repousser franchement Charlotte. « Et la botanique, dit-il, qu'en pensez-vous? Les fleurs, la nature, la campagne, il y a là des choses d'observation pour lesquelles les yeux d'une femme peuvent être utiles. » Mais Charlotte eut encore une objection, elle désirait rester à Paris. M. Portail était la patience même, s'il ne s'était jamais ennuyé, il ne s'était jamais fâché. D'ailleurs, bien que l'idée de Charlotte lui parût bizarre, il ne voulait pas la décourager. Il n'avait jamais été marié, il ne connaissait guère les femmes qu'au point de vue anatomique. Mortes, il les avait disséquées, vivantes, il ne les avait pas étudiées. Pour lui, c'étaient des êtres agréables, mais peu raisonnables, qu'il fallait manier avec ménagement comme des fleurs délicates. Tout à coup, il se frappa le front. « J'ai votre affaire, dit-il, et je vais faire de vous, de moi, de vous et de votre mari, mes 2 collaborateurs. Il faut que vous sachiez, ma chère petite, que depuis longtemps, je m'occupe d'un travail sur les mouvements des muscles de la face chez l'homme et chez quelques animaux. » Charlotte eut un mouvement de surprise qui n'échappa pas à M. Portail. « Voilà précisément, dit-il en souriant, que vous venez d'entrer dans mon sujet. Votre muscle frontal s'est contracté, vos sourcils se sont élevés, vos yeux se sont écarquillés, votre bouche s'est ouverte. En un mot, vous avez éprouvé un sentiment de surprise en m'entendant vous proposer de vous associer à mes travaux sur les muscles de la face. J'avoue que j'ai été étonné. Non, surprise seulement. Dans l'étonnement qui succède à la surprise et qui ne la précède pas, l'élévation des sourcils est beaucoup plus énergique. Vous ne seriez étonné que si je ne m'expliquais pas. Et c'est précisément ce que je vais faire. Il y a dans mon ouvrage, ou plutôt il y aura, un chapitre consacré à l'expression, telle qu'elle a été comprise et rendue par les grands artistes peintres et sculpteurs. Ce chapitre, je ne suis pas en état de l'écrire, car j'ai toujours fréquenté beaucoup plus les amphithéâtres que les musées. J'ai besoin de notes et d'observations. Pour les musées d'Italie et d'Allemagne, j'ai des correspondants qui répondront aux questionnaires que je leur ai adressés. Je m'étais réservé les musées de Paris, mais je vois que je n'aurai jamais le temps de faire sérieusement cette étude si je veux publier mon livre avant de mourir. Voulez-vous vous en charger ? Que dites-vous donc là ? Demanda Emmanuel en s'approchant, car cet entretien avait lieu après un dîner, M. Portail et Charlotte étant seuls dans le salon, tandis qu'Emmanuel tenait compagnie à ses autres convives dans le fumoir. « Monsieur Portail me demandait, répondit vivement Charlotte, si nous pouvions étudier pour lui, dans les tableaux du Louvre, l'expression des passions. »« Je ne comprends pas très bien, dit Emmanuel. Voici ce dont il s'agit, répliqua Monsieur Portail. Et longuement, il expliqua son plan. Fin de la section 44.